premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'enseignement de l'histoire à l'occasion des derniers épisodes de notre série, de notre feuilleton, la Fabrique de l'Histoire scolaire. Depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois en 2016, en octobre 2016, Séverine Yatard nous a proposé chaque jeudi un feuilleton de 6 à 7 minutes afin de rendre compte des pratiques de l'enseignement de l'histoire en classe. En effet, cet enseignement est souvent évalué par des éditorialistes ou par des commentateurs de l'extérieur, sans se rendre dans les classes, sans se rendre dans les lycées, dans les collèges, sur le terrain. Or, il n'est pas difficile de s'apercevoir, dès qu'on connaît un peu le sujet, que les professeurs adaptent les consignes ministérielles en fonction du contexte d'enseignement et que les manuels publiés, sur lesquels on les juge généralement, sont loin d'être le béaba de leur pratique. Avec Séverine Yatard, qui co-animera cette série d'émissions avec nous, nous recevons ce matin trois professeurs de lycée rencontrés à l'occasion de cette série de feuilletons. Sébastien Durand, il est professeur au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. Mathieu Giacomo, il est professeur au micro-lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine. Et Camille Taillefer, elle est professeur au lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine. Bonjour à vous Sébastien Durand. Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Camille Taillefer. Bonjour. Et bonjour à vous Maïté Giacomo. Bonjour. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. Alors on conclut et on termine cette série feuilletonnée de 51 épisodes, ouais, 50, c'est ça? Oui, 51 épisodes, un an et demi à peu près. Un an et demi de travail, ça. Donc voilà. Autour de cette question de l'enseignement de l'histoire. La question, nous l'avons posée d'une façon très simple. Allons voir ce qui se passe dans les classes. C'est beaucoup plus simple que d'en parler de loin. Mmh. Et c'est ce que vous avez fait depuis maintenant un an et demi. Alors là, il faut aller voir ce qui se passe dans les classes, aller voir également les propositions possibles, par exemple avec les musées, des visites. J'ai fait quand même pas mal de visites d'expositions ou de musées, les ateliers pédagogiques par exemple, des archives nationales. J'ai sollicité, alors je suis allée à l'ESPE aussi, hein, l'école de formation des enseignants. C'était très intéressant de voir comment, et vous allez aussi j'imagine nous parler un petit peu de votre formation. On avait fait aussi un feuilleton sur justement la fabrication aussi des ouvrages scolaires. J'ai sollicité les trois grandes associations d'enseignants d'histoire, les Clionautes, Aggiornamento et puis historiens, et géographes. J'ai fait deux, trois portraits d'élèves aussi, voilà, un élève de ses mains, un élève de seconde. Bon, voilà, j'ai essayé de varier un petit peu tout ce qui pouvait nous apprendre sur la manière dont on enseigne l'histoire, en allant au-delà justement des polémiques hein, qui resurgissent systématiquement concernant récit national, histoire thématique, histoire chronologique, enfin voilà, question des programmes bien sûr. On en parlera évidemment jeudi quand même dans le débat conclusif de cette émission, en particulier des relations entre histoire chronologique et histoire thématique. Mais si on commence cette émission en vous présentant les uns et les autres, Camille Taillefer, vous êtes qui? Donc professeur à Épinay-sur-Seine et vous avez quoi comme formation pour au moment où vous êtes arrivé dans votre premier poste? Comment envisagiez-vous l'enseignement de l'histoire et qu'est-ce que ça vous disait de vous retrouver face à une classe et de leur enseigner justement l'histoire, la géographie et puis également l'enseignement civique? Alors moi j'avais une formation d'historienne à la fac, à l'université à Paris 7. J'ai passé les concours de l'enseignement et puis ensuite j'ai été nommée en stage. À l'époque on était nommée en stage pour un an. On était en formation à l'IUFM. Mmh. C'était avant les ESPE. Les ESPE. Voilà, ce sont les ancêtres des ESPE. C'est ça, c'était avant le rien, avant les ESPE. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y a eu un rien entre les deux, c'est vous avez ça. Raison. Donc, j'avais deux jours de formation à l'UFM de Vannes, dans le Morbihan. Quoique parisienne, j'avais été envoyée dans le Morbihan. Et puis, deux classes de collège du centre-ville de Vannes, où j'avais donc des élèves de 4e et de 6e. Voilà. Donc des élèves de centre-ville, maintenant vous enseignez en banlieue parisienne à Épinay-sur-Seine. On vous prépare dans votre formation à cette souplesse, qui n'est pas une souplesse d'échine, mais cette souplesse nécessaire pour vous trouver devant des classes qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon l'endroit où on enseigne, ou est-ce que vous découvrez au fur et à mesure qu'il va falloir peut-être adapter vos techniques d'enseignement qu'on vous a apprises donc justement à l'IUFM ou à l'ESPE plus tard à des contextes extrêmement différents, Camille Taillefer? Alors, on nous y prépare pas et en même temps, on le sait bien puisque on est fonctionnaire. Donc, on sait bien qu'on va être envoyé là où on aura besoin de nous et c'est la règle du jeu. Par ailleurs, dans mon établissement à Vannes, j'avais eu la chance qu'on me confie une sixième de banlieusards de Vannes qu'il regroupait dans une classe qui était la classe donc des banlieusards. Ce qui permettait d'avoir une... C'est comme ça qu'on l'appelait, enfin qu'on l'appelait. On l'appelait la classe Saint-Nolf-Elvin. Et sous prétexte de transport décalé, ils n'entraient pas dans le collège à la même heure, ils n'en sortaient pas à la même heure, et ils étaient regroupés. Ce qui m'a bien préparée à l'arrivée dans l'Académie de Créteil. Je pense que ce n'était pas l'objectif, mais ça m'y a bien préparée. Ouais, pour vous, Sébastien Durand, c'est plus simple, puisque vous enseignez dans le même lycée depuis tellement longtemps que vous faites partie des murs. Déjà une histoire très ancienne. Enfin, vous êtes des... ouais, c'est ça. J'ai obtenu le concours en 2000, une année de stage donc au collège Jean de Beaumont à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, et puis une titularisation au collège Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec, où je suis désormais donc depuis maintenant plus de 16 ans, et j'y suis très bien, hein, sinon j'aurais effectivement eu l'occasion, l'opportunité de changer depuis bien longtemps. Et pour vous, Mathieu Giacomo, c'est un peu différent, vous avez changé plusieurs fois de lieu d'enseignement. Oui, j'ai changé plusieurs fois d'établissement, et j'aurais souhaité juste un petit complément par rapport à ma présentation, donc j'enseigne bien géographiquement au lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine, mais je suis en poste au micro-lycée, qui est une des structures qui se trouve dans l'établissement, qui est ma... Justement, c'est un petit peu particulier. Oui. Micro-lycée, c'est une demande volontaire. C'est une demande volontaire. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-lycée ? Un micro-lycée, c'est une structure de retour à l'école pour des jeunes qui ont arrêté leurs études et qui veulent les reprendre. Et qui en général, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas en capacité de le faire dans les structures classiques. Hein, ça peut être parce que la rupture est trop grande et qu'ils souhaitent pas se retrouver à 21 ans en seconde, par exemple. Ça peut être parce que il y a des difficultés médicales ou psychologiques ou sociales, ou des cas d'élèves parfois un peu phobique. Donc nous, l'idée, c'est de les rescolariser et de les amener à l'examen. Les classes sont donc plus petites ? Les classes sont plus petites. Hein, on enseigne sur des groupes de 15 à 25. Ça va dépendre, parce qu'on est obligé de faire des regroupements, parce qu'on n'a pas la structure pour permettre à toutes nos classes de fonctionner à 15. On n'a pas la structure horaire. Et par rapport, moi je suis la même génération, je pense, que Camille et Sébastien, c'est-à-dire que j'ai connu l'IUFM et le stage... le stage en établissement et donc j'ai, par rapport aux différents établissements que j'ai fréquentés, j'ai tout le temps été dans l'Académie de Créteil, où je trouve quand même qu'on a essayé de nous sensibiliser un peu au public qu'on avait, c'est-à-dire au public de l'Académie de Créteil et à sa diversité. Mais globalement, je pense un peu comme les collègues, c'est le premier cours qui a tout fait, en fait. Hein. C'est-à-dire ? Expliquez ça, parce que c'est vraiment intéressant. C'est quoi le premier cours qui fait C'est la première heure de cours que j'ai su que j'étais fait pour ce métier. Enfin, ah oui. J'espère. Enfin, oui, parce que la question de la vocation, est-ce que vous aviez ce qu'on dit, c'est la vocation? Exactement le même. C'est intéressant d'entendre Mathieu dire cela, parce que j'ai exactement le même. J'ai eu exactement la même révélation. Je n'ai jamais eu l'occasion avant d'entrer dans ma première salle de classe, de quatrième au mois de septembre 2000. Je n'avais jamais eu l'occasion de gérer un groupe d'adolescents par l'animation, je ne sais quelle activité. Et la révélation s'est produite instantanément. Vous nous racontez une histoire de pilier de Notre-Dame. Là. C'est la conversion instantanée. Voilà, on va parler de la grâce. La grâce vous est tombée dessus. Il faut la foi pour enseigner. Et on est dans ce registre-là, inévitablement. Camille Taillefer. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il se passe quelque chose qui fait qu'on sait qu'on est à la place qu'on avait envie d'occuper. Ouais. Et malgré toutes les difficultés qu'on va rencontrer ensuite, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'être là, quoi. Alors, et ça, je ne sais pas, souvent on a plutôt l'idée que, voilà, justement, les enseignants souffrent, enfin, ce qui existe aussi, hein, mais, et que justement, il n'y a pas forcément cette révélation, même si j'avais fait justement un feuilleton avec Chloé Castello et Maxime Mansin, qui étaient stagiaires à l'ESFE, et on entendait, première année, mi-temps de stage, mi-temps de formation, et on entendait une révélation aussi. Pour eux, c'était clair, ils ne s'étaient pas trompés, ils voulaient être enseignants. Mais ce n'est pas le cas cependant de tous les enseignants. Il y en a, ouais. Il y en a beaucoup aussi qui sont. C'est la déception, hein. C'est. Ouais, après, c'est je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes véhiculés aussi par la société civile sur la souffrance du métier, enfin les difficultés du métier, et elles sont réelles. Et je pense qu'on les éprouve. Quotidiennement ou presque. Peut-être quotidiennement. Ouais. Personnellement, la remise en question, chaque semaine, il y a des séquences de cours qui nous remettent en question. Et ça paraît indispensable. C'est, selon moi, même un moteur du métier. On peut éprouver quelques difficultés, parfois un petit peu souffrir, mais utiliser cela comme un moteur pour se renouveler, pour améliorer. Et voilà, c'est ce qui aussi permet de combattre la routine. Qui peut-être est ce qui est le plus mortel, ou c'est le risque. Voilà, le vrai risque et la vraie souffrance, elle est celle de la routine. Voilà. Alors, Mathieu Giacomo, vous êtes sorti de la routine, mais j'imagine que vous n'aviez pas imaginé, dès votre premier cours, d'utiliser ce néologisme que vous utilisez maintenant, l'anachronisme créatif. Alors, qu'est-ce que l'anachronisme créatif? On va en entendre un extrait dans un instant de reportage qu'a fait dans votre classe du micro-lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine, Séverine Yatar, il y a quelques temps. Qu'est-ce que l'anachronisme créatif et comment avez-vous imaginé que ça pouvait être pour une classe, celle que vous aviez en face de vous, la bonne manière d'enseigner l'histoire? C'est un outil pédagogique et pourquoi il me semblait qu'il était adapté, c'est parce qu'on a des. Moi, je travaille avec des élèves donc qui ont décroché, donc pour certains, sur lesquels on peut pas considérer qu'il y a des, qu'ils ont des prérequis ou même des acquis qu'on pourrait mobiliser en classe. Donc, ce qui est important pour eux, c'est déjà qu'ils mesurent qu'il y a une distance temporelle entre le moment où on est en cours et le moment dont on traite. Ce qui était important, c'était aussi de, par rapport à un sujet en fait où, qui est la colonisation, pour lequel il me semble que c'est essentiel de d'admettre la pluralité des points de vue, parce que c'est la pluralité des mémoires, parce que ça c'est un vrai enjeu, et il me semble que on était plus à même de mobiliser leur attention en proposant des personnages dans lesquels s'incarner, mais dont on sait que là, ils n'ont pas réellement mis en dialogue. Ils ont été mis en confrontation, mais pas en dialogue. Là, ce qui était anachronique, c'était d'imaginer que ces gens aient pu se parler. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gens, ce sont ceux de la conquête de Madagascar. Tout à fait. On va passer à la deuxième partie de l'activité. Donc, l'activité, ça va être de mettre en débat. On va faire, donc je vous l'ai dit, hein, on va faire un anachronisme créatif. On va avoir ce qu'on appelle une uchronie aussi, c'est-à-dire qu'on va faire s'exprimer des gens qui ne se sont pas exprimés au même moment, au même endroit, à deux ou trois ans près. Donc on a six personnages qu'on va découvrir. Alors, Jules Ferry. On a un archevêque, Monseigneur Charles-Émile Frépel, qui est une voix très importante dans le débat sur la colonisation en France. Un député de La Réunion proche de Madagascar, donc peut-être qu'il a un regard qui serait différent de celui qu'on peut porter en métropole sur Madagascar, qui s'appelle Monsieur François de Mailly. Vous noterez le caractère très masculin pour l'instant du casting. On peut faire l'anachronisme créatif, mais malgré tout, les faits sont là. Et les faits, c'est que à l'époque, seuls votent les hommes et seuls sont élus des hommes, en tous les cas en France. On a un autre député dont la voix sera très intéressante sur le débat sur la colonisation, qui est un député républicain de Paris, qui s'appelle Monsieur Georges Clémenceau. Et enfin, on a deux actrices malgaches. Alors là, pour le coup, on a des personnages qui sont des personnages féminins. On a la reine Rana Valona III, qui est reine de Madagascar, donc qui règne sur toute cette partie de l'île. Et on a une autre reine, qui est la reine qui règne sur le nord-ouest de l'île, qui est la reine Binoa. On a six personnages. Alors vous m'excuserez, les conditions de réveil ne sont pas idéales, mais c'est la reine Binoa. Je suis vraiment très confus, je vais corriger ça. Alors, prenez connaissance de votre rôle. Donc, êtes-vous favorable à la conquête de Madagascar par la France, ou vous y opposez-vous? En donnant vos raisons, en expliquant pourquoi. Alors, est-ce qu'il est favorable à la colonisation de Madagascar? C'est lui qui a dit qu'il nous faut Madagascar. Déjà, il est cohérent. Alors, il n'a pas de problème psychologique. Vous dites qu'il est raciste, mais est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il dit « j'aime pas les gens qui ne sont pas comme moi » ? Ses propos, ils sont racistes quand on les lit maintenant, Ashley. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est dans l'aller-retour avec le présent. On peut considérer que ses propos sont racistes. Ils sont encore repris, ils sont encore très discutés. Jules Ferry, c'est une figure qui a apporté l'école laïque gratuite dont vous bénéficiez, et en même temps, effectivement, qui a encouragé la colonisation de la France. C'est un monde qui, c'est un optimiste, c'est quelqu'un qui croit, malgré tout, vous dites il est raciste, mais il croit vraiment au progrès, en fait. C'est possible, en fait, que quand il dit que la France a le droit et le devoir, c'est possible qu'il y croit vraiment, en fait. Là où il y a un problème quand même, Ashley, vous avez raison, c'est quand même que les moyens, moi, si on vient m'éduquer en occupant mon pays et en massacrant les populations, j'aurais peut-être pas envie d'aller dans cette école-là, mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Mais les raisons, les arguments, en fait, pourquoi ils pensent que vraiment la France doit jeter dans l'aventure coloniale ? Ils prennent leurs ressources et ensuite ils leur revendent le produit transformé, quoi. Tout à fait. Ça s'appelle le principe du savon de Marseille. Ouais. Je prends l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, j'en fais du savon, je le revends ensuite en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, plutôt que de développer une industrie en Afrique de l'Ouest, je permets à l'industrie marseillaise de travailler. Donc il y a cet argument économique. Quel autre argument aussi ? Quelle autre justification pour lui ? Quelle autre raison plutôt, d'ailleurs, que justification ? Je sais pas comment dire, mais il aurait plus de pouvoir, quoi. Il aurait plus de pouvoir, il aurait plus de population, plus de territoire, plus de ressources. Très bien. Et il y a un autre aspect aussi. Militairement, il considère que la colonisation, ça va servir à quoi, en fait ? La défaite de l'armée française en Indochine. Ouais, la marine, la question de la marine, la question d'avoir des bases. C'est ce que vous avez sur votre carte, en fait. Hein, pour pouvoir poursuivre l'expansion. Et là, c'est là où vous voyez où c'est un peu piégeant, tout ça. C'est-à-dire que vous allez conquérir des territoires pour en conquérir d'autres. Ça peut ne jamais finir, en effet. Et vous sentez JN, vous, chez là, pour incarner la reine ? Pas à défendre, juste à dire pourquoi elle s'oppose à la conquête ou pourquoi elle est favorable. L'histoire de la colonisation, ça pique, hein ? Oui, ben on va en faire pendant un mois. Donc ça va piquer pendant un mois, JN. Hein. Mais vous voyez bien que ça pique. Voilà donc pour cet extrait du reportage que vous aviez réalisé, Séverine Yatar, au micro-lycée donc où enseigne Mathieu Giacomo à Vitry-sur-Seine. La colonisation, ça pique. On avait gardé en tête cette petite remarque de cet élève que vous aviez en face de vous. Vous avez continué le projet ensuite après cet enregistrement ? Mais bien sûr, après on est parti sur le séquençage classique, hein, le cours, l'évaluation, Évidemment, c'était il y a un an, j'ai toujours cet élève, j'ai la chance d'avoir JN en terminale encore, et on est sur le Proche-Orient, et ça pique aussi. En tous les cas, ce qu'on n'entend pas, peut-être à travers ces petites séquences, c'est l'énorme travail qu'il y a derrière, évidemment, pour mettre en place un tel... Parce que là, je suis venue vous voir, Mathieu Giacomo, c'était un cours de 3 heures, je crois, 2h30 Deux heures. Mais voilà, au niveau préparation, voilà, il y avait des fiches explicatives, toute une mise en contexte. Vous passez dans chaque groupe, vous répondez à chacune des questions. Enfin, voilà, c'est il faut quand même avoir une sacrée maîtrise à la fois du sujet et du projet pédagogique. Mais le métier d'enseignant, c'est un travail. Non, mais il y a des cours. Mais il y a des cours qui nécessitent. Voilà, nécessitent peut-être plus de préparation. L'air de rien, parce que ouais. Voilà. Je pense qu'on a tous les trois mené des projets ambitieux qui sont mobilisateurs, qui nous mobilisent et puis pour lesquels on prend plaisir. Ce qui fait que la question du travail, elle se pose aussi autrement. Mais c'est un travail, le travail d'une séquence, elle apprend dans sa globalité, c'est dans la globalité du cours. Bien sûr, c'est du temps de travail, mais c'est... Le plaisir, c'est important aussi pour le ou la professeure, Camille Taillefer ? Ah ben oui, c'est capital, à mon avis. Le plaisir qu'on ressent à arriver dans la classe, à avoir travaillé, à avoir envie de partager quelque chose, une expérience avec les élèves. Déjà, ils le sentent tout de suite, à mon avis, et ça donne... ça donne une couleur au cours et puis ça permet de combattre la routine dont on parlait, qui en fait se combat comme ça. Un caractère transmissible de ce plaisir, puisque on met souvent dans les séances de l'éducation au centre, l'enjeu central, le plaisir de l'élève pour son implication. On oublie que finalement le plaisir que le prof a de préparer, de faire partager des choses est essentiel. Je relisais, j'ai lu une biographie de Célestin Freinet à ce sujet-là, qui mettait au cœur justement son innovation, elle était liée à son propre plaisir pour justement créer une nouvelle relation avec ses élèves. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quand on mène une expérience pédagogique comme la vôtre, Mathieu Giacomo, ou comme celle dont on va parler dans un instant avec les deux autres invités de cette émission, est-ce que ça ne prend pas ça n'aspire pas tout le temps d'une certaine façon, parce que c'est tellement ambitieux et intéressant qu'on se dit, on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour pouvoir mobiliser les élèves autour de ce projet. Là, en l'occurrence, la question de la conquête de Madagascar. Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu tenté de prendre tout le temps pour pour simplement cette expérience-là ? Enseigner, c'est faire des choix. Gouverner, c'est choisir. C'est gouverner, c'est choisir. Carmades France, c'est dans les cours. Non. Donc c'est bien. Si la question se pose, évidemment, la question du respect des horaires. Alors moi, j'ai quand même une souplesse, puisque dans la structure dans laquelle je travaille, on est enseigné, c'est tellement choisir qu'on est dérogatoire par rapport au programme. Mais moi, je n'ai que 2 heures d'histoire en première, donc l'un dans l'autre, je suis quand même contraint par le temps. Par contre, en terminale, et je pense que c'est aussi quelque chose dont on discutait un tout petit peu avant d'entrer au studio, en terminale, on serait obligé de calibrer ses choix autrement, c'est-à-dire les temps d'activité, parce qu'il y a le bac. Il y a le bac. Il y a le baccalauréat qui sanctionne ses études au lycée. Alors, une autre expérience, Sébastien Durand, c'est la vôtre que vous avez menée dans votre classe au lycée Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec. Vous nous la présentez brièvement, on va l'écouter, mais... Oui. Eh bien, pour traiter donc le sujet sur l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale, travailler autour d'objets concrets de la Première Guerre mondiale que j'emmène dans la classe, qui font partie d'une collection personnelle. Et c'est une démarche que je dois à la lecture de l'ouvrage de Stéphane Audouin-Rouzeau, donc « Les armes et la chair », qui, d'une certaine manière, m'a inspiré et, je dirais, légitimé dans cette approche-là qui peut paraître, qui est peu courante, puisqu'on travaille davantage en général sur les archives, l'approche textuelle ou imagée, amener l'objet dans la classe et ne pas en faire seulement un élément anecdotique d'illustration. Au contraire, toute la démarche va à rebours de cela. Il s'agit au contraire de construire une enquête en partant de l'objet. En le questionnant. Oui, parce qu'on a compris que tout l'enseignement de l'histoire est beaucoup basé, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, sur la question du document, analyser le document. Alors, vous allez au-delà du document archivistique, photocopié, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ça, ou qui emmènent éventuellement, on le verra demain dans le documentaire, leurs étudiants aux archives nationales, aux archives municipales. Là, vous amenez des objets, et là, ils sont confrontés réellement au travail d'historien, de chercheur, quand même. C'est ça, c'est-à-dire que... Emmener les élèves dans un musée, voir les objets, ça reste, je pense, un rapport très extérieur. Et là, au contraire, c'est créer une intimité, une expérience multisensorielle de l'élève par rapport à l'objet, pour ensuite en arriver à un discours savant. Le but n'étant pas uniquement de créer une émotion. C'est passer par l'émotion, passer par l'intime d'une certaine manière, pour en arriver justement, pour remonter jusqu'au cerveau et la construction d'un véritable discours historique. Extrait donc de ce reportage réalisé par Séverine Yatta dans le cadre du feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire. La première question, décrivez les objets et identifiez-les en vous appuyant sur la notice historique. Ça, je sais pas ce que c'est. Surnommée Rosalie dans l'argot des poilus au canon. Le combat au corps à corps constitue donc un élément attendu du combat des tranchées. Ils ont lieu lors des coups de main et des patrouilles de nuit sur le No Man's Land, organisé pour capturer des prisonniers, prendre des renseignements, entretenir la combativité des soldats et faire peser sur l'ennemi un sentiment de danger permanent. Mais attends, ça veut dire que ça s'appelle comment ça? Ah ouais, il y a deux. Un poignard. Ils en ont deux. Pour ce type de combat particulier, les soldats utilisent des grenades, des pistolets et des armes blanches, comme les poignards de tranchée. C'est-à-dire que c'est un poignard de tranchée. Certaines unités sont spécialisées dans le combat au corps à corps. Les nettoyeurs de tranchées, redoutés pour leur brutalité et leur cruauté, ont ainsi pour mission d'éliminer les combattants ennemis restés dans une tranchée conquise par une vague d'assaut. Ainsi, l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale crée un écart entre l'imaginaire populaire du soldat héroïque affrontant l'ennemi baïonnette au canon et la réalité sauvage des combats au corps à corps. C'est une baïonnette. Voilà, mais regardez. Et ça sert à quoi, voilà. Ça? C'est pour l'accrocher au fusil. Oh, okay. Je vois. C'est pour ça que c'est pas pointu? Ah bah justement. Ça s'est abîmé avec le temps. Eh ouais, ou ça s'est abîmé, ou ça s'est... Cassé. Hein? Deux hypothèses. C'est aussi, regardez, elle est tordue. Voilà, donc on émet des hypothèses. J'en sais pas plus que vous, cet objet, je l'ai retrouvé en Lorraine. Voilà. Ouais. Il serait temps d'avancer dans l'écriture, là. J'en vois qu'ils sont bloqués. Décrire l'objet, c'est à la portée de tout le monde. Avec vos mots, voilà, simplement décrivez la matérialité de l'objet que vous avez entre les mains. Je n'attends pas de vous soyez capable de construire un discours scientifique là-dessus. Moi, je laisse ce discours-là. Et je vais vous aider aussi à le développer. Mais commencez par cette description élémentaire. et ensuite trouver des éléments d'association et d'interprétation avec la petite fiche historique que je vous ai donnée. Encore 10 minutes. 10 minutes, on commence la restitution. Alors, vas-y, Zaïna. Cet objet est une barre de fer en tire-bouchon. L'expression tire-bouchon a été donnée par les poilus. Ils n'ont pas donné tire-bouchon. Ils utilisaient justement. Que de cochon. Parce que ça fait penser à la queue un peu tire-bouchonnée, entre guillemets, hein, d'un cochon. Et l'ensemble. Queue de cochon et fil de fer enchevêtré forment les barbelés qui étaient disposés sur le champ de bataille entre les tranchées et le no man's land pour que les ennemis se fassent prendre dedans. Très bien. Les ennemis étaient d'abord... Alors, je t'arrête là, c'est très bien. Hein. Vraiment, Zaïna, c'est clair. En plus, elle se détache des notes. Vraiment, bravo. Par contre, tu sautes l'étape, encore une fois... C'est l'intérêt de cette séquence, c'est de vous apprendre à vous approprier les objets, à vous approprier les sources qu'on vous donne, que ce soit d'ailleurs des textes ou autre chose. Ta présentation, elle est trop succincte. Oui, c'est une queue de cochon, mais alors, dis-nous-en en plus là-dessus, s'il te plaît. D'accord. Elle est plutôt épaisse et assez lourde. Elle est rouillée. Et en plus, on suppose que c'est les restes des ennemis dessus. On arrive dans les détails gore. Il n'y a pas de reste d'ennemis dessus. C'est ce qu'on appelle des concrétions. C'est des amalgames qui sont formés par l'oxydation du métal, des morceaux de roche et éventuellement de terre, des petits blocs de matière comme ça, qui se sont donc formés chimiquement. Bon, voilà, ça y est, on a l'histoire de l'objet. Alors, je vais relever vos fiches de synthèse. Vous me donnez donc votre travail de groupe avec les trois prénoms. D'une part, évidemment, les écrits liés à votre enquête sur les objets et aussi, donc, le tableau de synthèse. Hein, je veux ça avec votre prénom, OK? Les objets, vous les laissez tels quels, je m'occuperai de les ranger. Ça marche? Et félicitons, outre les élèves et le professeur, le technicien qui vous a accompagné dans ces séquences. Ils ont été nombreux, les techniciens de Radio France, à prendre le son dans ces classes et à faire un son excellent que nous avons pu écouter à l'instant même. Séverine Attard. Oui, là on voit bien, Sébastien Durand, bon, c'est un cours qui est imaginé par rapport à votre propre passion, parce que tous ces objets, effectivement, il faut les avoir, hein, chez soi, c'est tous les cas. Investissement. C'est un investissement. Et je vous revois arriver avec vos gros sacs, là. Ouais. Mais on espère que vous seriez surpris de constater que la séquence de cette année n'avait presque plus rien à voir avec celle de l'an dernier. De nouveaux objets, parfois très insolites, pour susciter toujours plus la curiosité, le sens de l'observation de l'élève. Ouais. Heureusement que vous ne faites pas l'Empire romain. Heureusement, parce que vous auriez du mal. Il faudrait trouver des bornes milliaires, ça serait compliqué pour pouvoir leur expliquer. Non, mais par exemple, des sources numismatiques, et j'en ai par ailleurs, ouais. Et ça fait partie des projets d'avenir. C'est-à-dire que j'aimerais développer cette démarche, j'aimerais la diffuser aussi, si nos inspecteurs nous entendent, pour être épaulés, l'histoire pour par faire partager cette expérience, et à tout niveau. Et encore une fois, rien ne peut remplacer le contact direct avec l'objet, une pièce de monnaie romaine, une image dans un manuel, ça reste quelque chose d'extrêmement altéré par rapport à la manipulation directe de l'objet. Et vous avez certains élèves qui, à la fin de ce cours, viennent vous voir, vous posez plus de questions justement sur peut-être le métier de chercheur en histoire. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça suscite une foule de questions. Ne serait-ce que comment l'objet est parvenu jusqu'à nous. Et à partir de là, rien que de ce questionnement-là, on travaille sur la question de la mémoire, par exemple. Voilà. Et c'est intéressant aussi de voir comment on l'entend dans l'extrait, essayer de déconstruire les représentations toutes faites des élèves. Forcément, puisqu'on convoque chez l'élève la nécessité d'évoquer la violence de masse, etc. Ouais. Donc forcément, il y a du sang et de la chair. Voilà. Or, pas du tout. Et donc c'est intéressant parce que finalement, cette approche du document, les élèves l'ont toujours. C'est-à-dire on arrive toujours avec un tas d'a priori qu'il faut apprendre à chasser, que l'historien, justement, dans sa démarche, doit toujours mettre de côté pour d'abord construire son questionnement et essayer de reprendre la source à travers un questionnement qui renouvelle et pour en dégager quelque chose. Alors Camille Taillefer, troisième expérience choisie pour cette émission d'aujourd'hui qui ouvre, je le rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoindraient, une série d'émissions consacrées à l'enseignement de l'histoire aujourd'hui dans les classes, telle qu'elle se fait tous les jours, pourrait-on dire, par des milliers et des milliers d'enseignants d'histoire. Votre expérience, c'était quoi exactement, Camille Taillefer, à Épinay-sur-Seine? Alors, l'expérience que j'ai menée, enfin le projet que j'ai mené l'année dernière avec une classe de première économique et sociale, c'était un projet qui nous avait été, que nous avons construit avec la MC 93 de Bobigny. Donc la Maison de la Culture. Voilà, la Maison de la Culture, qui avait dans sa programmation la pièce de théâtre de Guy Cassirs, adaptée du roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Donc il s'agissait d'accompagner une classe, voir donc cette adaptation en néerlandais, 3h30, l'extermination des Juifs d'Europe en néerlandais, et ensuite de travailler avec des étudiants de master de Sciences Po en histoire des masculinités sur la question du langage comme premier élément d'exclusion ou discrimination pouvant mener à des massacres de masse, ou des génocides. Voilà. Et donc de faire réfléchir les élèves et les étudiants à cette question-là pour ensuite mettre en ligne des portraits sur un site qui s'appelle Invisible Cities et qui était donc ce site était alimenté par les portraits rédigés dans les différentes villes dans lesquelles les bienveillantes étaient jouées. Donc ça n'était pas très simple a priori. C'est un projet qui mobilise beaucoup d'acteurs et pas simplement la classe, mais les acteurs qui sont les acteurs locaux, mais aussi les gens de Sciences Po. On écoute un extrait du reportage qu'avait réalisé Séverine Attal. Alors parce qu'il y avait une autre partie. C'est ce qu'on va entendre dans l'extrait, Camille Taillefer, c'est cette rencontre entre vos élèves et les étudiants de Sciences Po. Voilà. Et là, on va y revenir. Vous choisissez une manière assez intéressante pour cette rencontre. C'est vos élèves qui font visiter Épinay aux élèves de Sciences Po. Voilà, exactement. Alors Amine, là, on est à côté de la mairie d'Épinay, oui, et on fait cette visite. Alors dites-nous où on se dirige. Là, on se dirige sur une place ronde, et juste à côté ici, on a le commissariat d'Épinay, qui est là. Et là, on va se diriger sur une place, et on va se poser là-bas pour expliquer rapidement. Et vous avez préparé cette visite, Amine, cette visite pour les étudiants de Sciences Po? Oui, je l'ai préparée pendant les vacances, je crois que c'était 2 jours avant la rentrée. J'étais venu avec ma prof et quelques élèves, on avait préparé cette sortie et tout, on avait fait le trajet. Et voilà, après on a beaucoup fait de recherches après en cours pour préparer cette sortie. C'est intéressant et on fait découvrir aux gens un peu. On leur montre un peu Épinay, on leur fait connaître. Il y a une sorte d'échange quoi du coup. Oui, voilà. Là, ici, on a sur cette place, ici, comme vous pouvez voir sur les petites selles là-bas, on a des stations de François Mitterrand. Parce qu'en fait, ici, il y a eu le congrès d'Épinay. En 1971, c'est ça? Oui, voilà, ouais. 71 ans. Voilà, c'est ça. Ça, je l'ai appris quand on avait préparé la visite. C'était un prof qui m'avait dit, et moi, je ne savais pas du tout. Et je viens de l'apprendre. Là, on est comme sur une grande, grande place. Oui. Une fontaine, d'ailleurs, là, au fond, ouais, il y a des chevaux. Avec les deux chevaux. Oui. Et ici aussi, on a la statue, une autre statue derrière la mairie, devant. Vous pouvez voir. Ouais. Bah, j'attends qu'il y ait les gens, madame. On l'écoute ? Donc ici, sur cette place, bah, on peut le voir là-bas, sur ces inscriptions. C'est des citations de François Mitterrand. Et elles sont là parce qu'en 71, il y a eu le congrès d'Épinay ici. Pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est là où le Parti Socialiste a été unifié. Et c'est là où François Mitterrand est devenu le premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci Amine pour cette... Pour rien, pour rien. Vas-y, pour parler. Ouais, il est timide. Hein. Allez, go. Là, vous êtes étudiante à Sciences Po? Oui, ouais, c'est ça. Donc, alors, cette visite d'Épinay, là, on va s'achever à la médiathèque. Oui, bah, je suis agréablement surprise. Et ça démystifie pas mal de préjugés que j'avais pu avoir. Et cet échange-là, du coup, aussi avec des lycéens, Je trouve qu'ils sont très attentifs, en fait, et très attentionnés. Ils veulent vraiment nous montrer comment c'est. Leur ville. Leur ville, voilà. Et ça serait chouette, d'ailleurs, de continuer le projet autour de soutien ou d'autres formes de rapprochement. Alors ce projet donc qui était de travailler autour de la pièce de Guy Cassirs, inspiré des bienveillants de Jonathan Little, en faisant travailler ensemble des élèves de Sciences Po et vos élèves du lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine, il continue ce projet en l'occurrence, Camille Taillefer ? Ou c'est un projet différent qui continue aujourd'hui ? Alors voilà, il continue pas, il s'est achevé par la lecture des portraits qui ont donc été rédigés pendant toute l'année. Cette lecture s'est faite à Sciences Po avec les élèves du lycée. Puis ensuite, ils ont été mis en ligne. Donc ça, c'était l'aboutissement du projet. Mais il continue, je dirais, sur des formes, sous d'autres formes. Il y a un certain nombre d'élèves de cette classe-là qui, cette année, préparent le concours d'entrée à Sciences Po par la convention pour les anciennes ZEP. C'est-à-dire ceux que vous aviez dans à l'occasion de ce projet-là. Voilà. Donc ils ont croisé des élèves de Sciences Po et ça a pu leur donner envie de préparer l'entrée spéciale à Sciences Po. Absolument, je pense que ça leur a permis d'assumer cette envie, d'oser en fait cette envie. Bon, par ailleurs, il y a une élève qui a découvert la maison de la radio grâce à ce projet et qui a bien envie d'en faire son métier. Donc c'est quand même très très très très chouette comme aboutissement. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'élèves de cette classe qui se retrouvent dans le club théâtre cette année. Je pense que c'est pas complètement un hasard. Parce que ce projet, il a été multiple. Ça a été aussi une entrée dans un parcours culturel. La MC93 nous a accueillis un certain nombre de fois. Ils ont pu voir le spectacle d'inauguration du nouveau lieu à Bobigny, qui ouvrait l'année dernière. Nous avons ensuite été à l'Opéra Garnier voir le spectacle, l'opéra qu'avait monté Guy Cassirs. Et c'était suite à la rencontre entre Guy Cassirs et les élèves. Parce que la pièce de théâtre a suscité quand même beaucoup de questionnements chez les élèves. Hein. C'était quand même une épreuve qu'on a surmontée tous ensemble. 3h30, vous voulez dire ? Bah, 3h30, en néerlandais, la Shoah, enfin, c'est quand même pas simple pour personne. Hein. Je pense que personne dans la salle n'était préparé à cette expérience-là. Et les élèves pas plus que les autres. Par contre, eux, les élèves, ils se sentaient absolument pas légitimes dans cette salle de spectacle. Et donc, il a fallu travailler à les assurer qu'ils avaient bien leur place là. Et ça a été un travail qu'on a mené avec l'AMC et avec Guy Cassirs également, d'ailleurs. Il faudrait dire tout de même que ces expériences qui ont été ramenées dans l'équipe de La Fabrique par Séverine Yatin nous ont régulièrement secoué, pourrait-on dire, pas simplement les vôtres, mais beaucoup de celles qu'on a pu entendre, parce que... elle mobilise beaucoup plus que ce qu'on imagine être la préparation d'un cours. C'est-à-dire que vous entrez dans des projets qui sont des projets ambitieux, dites-vous, démiurgiques parfois, pourrait-on dire. Vous recréez le réel à votre image ou la volonté de faire rentrer un morceau de réel très, très ambitieux dans la vie de vos classes. Et ça, c'est tout de même particulier, Mathieu Giacomo. Enfin, démiurgique. Non, mais c'est moi qui le dis, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais il y a un côté effectivement très, très ambitieux en tous les cas. Moi, je travaille dans une structure qui est expérimentale, donc qui se prête à la réalisation de projets, mais quand je travaillais dans des conditions plus classiques, qui sont les conditions au lycée Jean Massé, par exemple, à Vitry, on faisait déjà des choses en cours. Moi, ce qui me frappe dans les projets des collègues, c'est vraiment les déplacements qui sont induits. Oui, c'est ça. Qui sont là pour le coup, effectivement, enfin, qui demandent une très grande mobilisation, puisque et une logistique. J'imagine que le jeune homme là qui faisait la visite, hein, de le faire venir pendant les vacances, de travailler, enfin, et ça veut donc dire que les professeurs travaillent pendant les vacances. C'est incroyable. C'est le scoop du jour. oui, alors, je crois que on revient aussi à l'envie et au plaisir, c'est-à-dire que en fait, non, c'était pas très compliqué de les faire venir pendant les vacances. Parce que on a été embarqués dans une aventure ensemble. Et ça, quand je reparle avec eux cette année, c'est vraiment ce qui ressort. Ils disent, on a vécu ça ensemble, ça a créé la classe, ça a créé le groupe. Ça a permis du débat, ça a permis que se disent des choses pas simples, parfois difficiles, et que ça soit possible dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on puisse le dire, qu'un professeur puisse dire, ben non, en fait, là... ces propos-là, ils sont pas possibles. Ils sont, par exemple, ils rentrent sous le coup de la loi, mais c'est pas grave. On est là pour travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment le cœur du métier. ce que tu disais, Sébastien, sur l'expérience, c'est-à-dire être traversé par une expérience, c'est aussi ça, fabriquer l'histoire commune. Et c'est quand même notre rôle à nous d'enseignants, me semble-t-il. L'histoire s'y prête très bien. Oui, mais quand on est embarqué avec beaucoup de... On sent que vous êtes émus les uns et les autres des expériences que vous menez. Ça vous bouleverse. C'est pas du quotidien, c'est de l'exceptionnel. Est-ce qu'on peut quotidiennement faire la même chose ou est-ce qu'on peut réembrayer immédiatement derrière un projet aussi mobilisateur dès l'année suivante? Il y a quand même une forme de drogue, hein, je dirais. on est. C'est. Oui, enfin, on peut. Ça demande énormément d'énergie, c'est vrai. C'est agréable de l'entendre aussi, de dire bah oui, visiblement, vous y mettez de l'énergie. Oui, mais c'est moteur, et puis ça permet aussi. On a toute l'énergie des élèves aussi qui nous porte. Mathieu Jacquemont. Non, mais je pensais à ce que font. Enfin, encore une fois, dans notre structure, nous, on a des projets. Enfin, on a deux projets annuels. Un en seconde, donc au micro-lycée, qui sont renouvelés chaque année. Donc c'est au cœur de ce que propose la structure. Mais ce que je pense aussi à ce que font nos collègues à Jean Massé en littérature et société en seconde, par exemple. Ils mènent chaque année des projets parce que par rapport à la commande qui est, je pense, relativement floue, par rapport aux élèves qui savent pas trop ce qu'ils font dans cet enseignement, c'est le meilleur moyen pour, comme ce que disait Camille, hein, c'est pour faire classe déjà, et pour que cette année, enfin pour que ces enseignements exploratoires et du sens dans le sens de ce que disait Sébastien, c'est-à-dire de l'expérience, hein, vraiment d'expérimenter quelque chose. C'est brillant. Et à travers ces expériences, parce qu'on a fait aussi une semaine il n'y a pas très longtemps sur les pédagogies nouvelles, est-ce que vous inscrivez, voilà, vous parliez, Sébastien Durand, de Freinet, il y en a beaucoup d'autres, mais là on voit bien qu'on est sur des expériences voilà, où il y a le terrain, l'expérimentation, le projet à long terme, il y a toutes ces problématiques-là. Alors, la notion de pédagogie nouvelle est déjà très ancienne. ça remonte au moins au 19e siècle. C'est une façon pour nous d'avoir le sentiment de rester toujours jeune. Voilà, je pense que maintenant, toutes ces idées-là de la pédagogie, donc je dirais dites nouvelles, sont très largement rentrées dans les pratiques, tout du moins dans la prise de conscience de tous les enseignants, qu'on arrive bon an mal an à mettre en œuvre un certain nombre de projets effectivement qui correspondent à ça. Et quand je dis bon an mal an, je pense que c'est personnellement, il y a toujours une forme d'insatisfaction sur le résultat. Moi, je considère que j'ai encore énormément de progrès à faire et je cours après ces progrès et c'est le moteur. Voilà, c'est-à-dire toujours se dire, voilà, je fais un diagnostic, quand je vous ai dit tout à l'heure que la séquence de cette année était très différente par rapport à celle de l'an dernier, parce que j'ai su effectivement tirer les conclusions, faire un peu un bilan et voir ce qui pouvait largement être amélioré. Et on est encore... ce n'est qu'un pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, les tâches complexes. Qu'est-ce que c'est ? Les tâches, c'est un petit peu l'idée de, en tout cas, de ce que j'ai mené, c'est-à-dire en fait mettre l'élève, amener l'élève à construire le plus possible par lui-même son questionnement. Voilà. Et je dirais que de ce point de vue-là, personnellement, le résultat n'est pas abouti parce que j'ai encore trop questionné à la place de l'élève pour l'aider. Voilà. Donc là, il faut encore trouver un moyen de faire construire. Mais voilà, c'est-à-dire que l'élève doit lui-même sélectionner des documents, avoir une véritable autonomie dans la construction d'un discours historique. Et cette année, de ce point de vue-là, j'ai franchi un pas avec justement l'amélioration. Vous opinez du bonnet ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un des enjeux, c'est qu'on arrive à se taire, en fait, nous, profs, et c'est toujours compliqué. Et c'est très difficile. Mais ça, vous comprenez bien que nous le savons parce que nous fréquentons beaucoup de professeurs du secondaire à la Fabrique de l'Histoire, mais pour un auditeur qui nous écoute aujourd'hui, entendre un professeur ou une professeure dire « il faudrait qu'on arrive à se taire », ça va très très loin par rapport à l'image que l'on se fait de ce qu'est l'enseignement de l'histoire, Camille Taillefer. Oui, je m'en rends très bien compte, effectivement. Mais je pense que c'est quand même un des enjeux qu'on apprend aussi sur le terrain, qu'on apprend en travaillant, qu'on apprend avec les élèves. Le fait d'avoir toujours envie d'aller plus loin et effectivement dans l'autonomie, et nous on a des élèves de lycée, l'objectif c'est quand même de les préparer au supérieur. L'autonomie c'est quand même central, et puis on a des adolescents en construction, des citoyens, enfin c'est... Mathieu Giacomo. Moi, l'envie de mener des projets en classe, donc même des choses, travailler en atelier pour faire le cours, moi ça m'est venu le jour où j'ai compris que mes élèves en fait ne pouvaient pas travailler chez eux, le jour où un élève m'a dit, bah, moi, en fait, je peux travailler qu'à partir de minuit. Parce qu'avant, mon frère a dû bosser, donc il y a des priorités dans la famille en fonction de l'avancement du niveau de chacun. Là, je me suis dit que c'était essentiel de travailler en classe, et ça implique qu'effectivement, ça implique de se taire. Donc, je pense que le public peut aussi comprendre que, que la classe est un lieu de, la classe est un lieu de travail, réellement. Il y a un véritable lieu d'échange, dans lequel, effectivement, chacun doit trouver sa place, et la parole de chacun doit pouvoir trouver sa place. Il ne s'agit pas de mettre la parole, enfin, chacun a le même droit à la parole. Après, évidemment, que la parole du prof, d'une certaine manière, doit l'emporter, en termes de diagnostic, en termes d'impulsion aussi. Voilà. Donc, on ne déhiérarchise pas absolument l'espace de la classe. Mais il faut, je pense, repenser un peu ces relations. Je pense, je réfléchissais aussi, par exemple, à la structure même de la classe. On reste encore prisonnier, tributaire, dans certaines salles, de cette estrade qui est encore là, qui bloque l'accès au tableau. Pourtant, moi, je peux vous rappeler que dans les années 70, dans ma classe, on faisait des classes en U, des classes en V, des classes en Y. Mais la classe en U reste l'apanage, soi-disant, du prof de langue. Alors que quand on est prof d'histoire géo ou de philo, qu'on fait une classe en U, on se rend compte qu'en fait, d'un seul coup, le fonctionnement est modifié. Et c'est pas seulement un élément symbolique, c'est vraiment un élément fonctionnel. Alors d'ailleurs, les derniers feuilletons ont été tournés au lycée autogéré. De Paris, où là, effectivement, il y a la classe en U, et les élèves viennent ou ne viennent pas, d'ailleurs, hein, ils sont responsabilisés à ce niveau-là. Je voyais aussi Mathieu Giacomo au micro-lycée, enfin, ils venaient ou ils venaient pas, en tous les cas, les élèves pouvaient sortir du cours, aller prendre un petit café, revenir, et il faut gérer ça aussi, hein, j'imagine, en tant qu'enseignant. C'est la spécificité du public aussi, hein, du micro-lycée. Du micro-lycée. Rappelons pour les auditeurs qui n'étaient pas là au début, pour des élèves, hein, des élèves qui ont décroché, qui ont un rapport avec l'école qui est parfois un peu compliqué. Effectivement, d'avoir des, je sais pas comment dire ça de manière, c'est-à-dire d'avoir un niveau d'exigence qui soit compatible avec ce que peuvent donner les élèves. C'est pas de ne pas être exigeant, au contraire, enfin, intellectuellement, c'est de l'être encore plus, parce que souvent c'est des élèves qui sont en demande d'exigence intellectuelle. Parce qu'ils ont voulu revenir dans la structure. Parce qu'ils ont voulu revenir, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils se sont auto-cultivés très souvent. Mais effectivement, cette question de pas les gêner dans leurs déplacements ou de pas. En plus, nous, on ne recrute pas sur le secteur, on recrute sur un rayon qui est très large. Donc, de fait, le retard de transport, on est obligé. Enfin, on doit faire avec. Camille Taillefer, un dernier mot. Oui, il me semble que ça pourrait être le cas partout, en fait. L'exigence intellectuelle, je vois pas en quoi on est moins exigeant intellectuellement quand on peut se déplacer librement. Je crois que maintenant, plus on va vers des innovations pédagogiques, plus elles sont générées, ces innovations, par justement une recherche d'une exigence renforcée. D'une exigence intellectuelle, renforcée. Et que faire l'histoire, c'est pas effectivement faire 50 minutes de cours d'un discours magistral, que l'on plaque. Voilà, je pense que c'est contre-productif. Merci à tous les trois, Sébastien Durand qu'on vient d'entendre, Camille Taillefer et Mathieu Giacomo, d'être venus parler de votre expérience de classe, puisque c'était le propos, donc, dans cette émission d'ouverture d'une série qui va continuer jusqu'à jeudi. Et demain, vous nous proposez un documentaire sur une expérience qui vous a beaucoup version surprise, dans le 52 minutes. Ouais, un feuilleton, non pas de 6 minutes, mais de 52 minutes. Mais 52 minutes, puisqu'il s'agit d'un exemple de concernant le concours national pour la résistance et la déportation, donc le collège Julio Curie à Stain, une classe de troisième qui a donc présenté un projet, qui a gagné un prix, évidemment, avec un thème qui, l'année dernière, 2016-2017, était quand même pas très très facile, c'était la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Et donc deux enseignants, un enseignant d'histoire, Fabien Pontanier, et un enseignant de musique, Amaury Pierre, ont mené ce projet, mais ce qui est très intéressant, et on l'écoutera demain, c'est que work in progress, c'est-à-dire ils sont partis d'un point, et puis le projet a évolué selon à la fois les objectifs, les compétences, la progression pédagogique demandée aux élèves, et puis multiforme, c'est-à-dire que c'est un projet qui est parti aux Archives nationales, interviewer des témoins, Buchenwald, et qui après s'est transformé en une odyssée musicale aussi, puis il y a le chant, un compositeur qui a été sollicité, enfin voilà. On écoute un extrait de ce document qui sera diffusé demain dans la Fabrique de l'Histoire. Je m'appelle Marois, j'ai 15 ans, j'étais au collège Julio Curie de Stain et j'ai participé au concours de la résistance et de la déportation, CNRD, et Je sais pas comment commencer. Alors au-dessus, on le voit pas très bien, t'as le numéro. Et là, vous avez quoi qui est représenté? Le triangle lancé ou... Exactement, vous avez un petit triangle. En fait, sur la tenue du déporté qu'on voit ici, chaque déporté recevait aussi un signe distinctif qui indiquait... Le F, c'est quoi? Français. Voilà, français, qui indiquait sa nationalité. Et en fait, par des jeux de couleurs, ça indiquait la raison pour laquelle il était dans le camp également. Et là, c'est quoi? C'était pas rouge normalement. Voilà, c'est un triangle qui est rouge qui indique que c'est un déporté politique. Voilà. D'accord. Là, il faut un jeu, voilà, où il faut associer des images à des cartes. C'est un jeu d'association. Association de thèmes, en fait, avec des illustrations. L'idée, c'était d'associer des témoignages de déportés avec des témoignages illustrés, graphiques, voilà, pour qu'ils puissent comprendre les deux types de représentations qui sont différentes et qui amènent en fait une approche différente de l'univers concentrationnaire et de la déportation. Tous ces textes qui sont sur les parties thèmes, c'est les documents qu'on a étudiés avec les élèves, des extraits de Primo Levi, de documents d'archives, de Samprin, de Rousset, des auteurs qu'on a abordés avec les élèves. Et les illustrations sont les documents, pareil, d'archives, surtout, très peu connus en fait, c'est ça qui était aussi intéressant parce qu'ils viennent de documents d'archives qui sont assez peu connus du public. Et du coup, donc on s'amusait à associer les deux pour faire ce petit jeu de mémo et d'association. Et puis l'idée dans la malle, ce qu'on avait proposé, c'est qu'il y ait une progression en fait en termes d'activité. Donc l'activité qui est là arrivait normalement après une activité d'introduction sur le thème qui permettait d'amener du vocabulaire. Et du coup, après, il y avait une progression pédagogique et dans l'acquisition des connaissances. Pour ce concours, on est parti en Allemagne, on a fait plein de sorties, on est parti au Mont Valérien, on est parti au musée de la Shoah, on est parti à Buchenwald en Allemagne, on est parti à Struthof, un camp de concentration pas loin de Strasbourg. On a fait deux concerts, on a rencontré trois déportés. Ce qui nous intéressait dans le projet de M. Pontanier, c'est cet aspect global qui était proposé. C'est-à-dire, c'est tout un parcours qui est mis en place, créé pour les élèves. Et donc, ça ne se limite pas à un simple rendu final au CNRD sur un seul thème. Et au final, il y avait un projet également de musique, parce que c'était ça qui les intéressait. C'était la création musicale comme résistance à la déshumanisation. Et on a aussi été aux archives municipales de Stein et aux archives nationales à Pirfitte. Les archives de la préfecture de Paris aussi, on est passé ici. En fait, on est sorti du milieu scolaire pour aller vraiment voir c'était quoi les camps. Parce qu'on en parle souvent dans les livres, on nous montre des images, mais on ne savait vraiment pas ce que c'était. Du coup, on est parti les voir en vrai, de nous-mêmes, et on a pu apprendre. Et ça nous a beaucoup apporté. Eh bien voilà qui fait plaisir. On pourra entendre cette expérience en longueur demain dans le documentaire que vous signez, Séverine Yatar avec Marie-Laure Ciboulet. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Yanis Djoudad était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, ou si vous voulez écouter ou réécouter ou télécharger tous les feuilletons qui ont été réalisés, les 51 feuilletons qui ont été réalisés depuis maintenant un an et demi, n'hésitez pas à aller sur la page de France Culture, franceculture.fr, la fabrique de l'histoire, oui. Oui, la fabrique de l'histoire scolaire. Voilà, la fabrique de l'histoire scolaire, qui est donc à l'intérieur des pages de France Culture.